OK. Mais tout le monde d'accord. Dès la première mesure, j'ai pas besoin de me présenter. Tire un peu sur mon linge pour voir si c'est une plaisanterie. Ouais, j'ai grandi pendant que toi tu rappes ici. Il paraît que tu voyant quand je prédis que tu apprécies. À vrai dire, dans tes phrases, t'es pas précis. Avec LCC, on se pose une question. Ouais, tu testes qui? Sous-estime pas la frappe de nos bigs dans le rap avec tous ces clowns. On se croirait au cirque. Okay. Frérot, c'est non, trop de jaloux, y'en a trop. Tu dis que tu veux détrôner, mais y'a que chez toi t'as un trône. On débarque dans le rap avec des phrases trop aiguisées, trop abusées. Je crois bien même que tout ton stock c'était puisé. Thibaut LCC, on n'est pas là pour vous faire danser. S'il y a un méfait, ne viens pas dire que t'as des regrets. Fais gaffe si mon son tombe dans ton portable, ça pourrait très bien être considéré comme un port d'armes. Ok, c'est juste le début, ouais. C'est juste le début. On vient faire notre rédemption, comme les anges déchus, ouais. Déçus par la vie, et trompés par la mort. Avec toutes nos salutations, on revient mais tout le monde d'accord. C'est juste le début, ouais. C'est juste le début. C'est juste le début, ouais. C'est juste le début, ouais. Avec toutes nos salutations, c'est juste le début, ouais. C'est juste le début. Avec toutes nos salutations.